بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 14 dans l'explication du livre de Cheikh Abdus Salam ibn Burjis رحمه الله. الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. Et on est arrivé dans un chapitre maintenant dans les causes de la division de la jama'a. C'est la cause numéro 5. Et le titre c'est At-tawani fil qada'i ala budhur al-khuruj. At-tawani fil qada'i ala budhur al-khuruj. C'est-à-dire que le cheikh ici, il explique que parmi les causes qui amènent à la séparation de la jama'a, il y a le fait de prendre son temps dans le fait d'enrayer les semences de la révolte. C'est-à-dire que la révolte, elle commence jamais du jour au lendemain. En général, quand il y a une révolte ou quand il y a une rébellion, wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi wa barakatuh. En général, quand il y a une révolte ou quand il y a une rébellion quelque part, eh bien, c'est parce que il y a des choses qui l'ont préparé. Il y a des choses qui ont fait que cette révolte ou cette rébellion se mette en place. Mais en général, ça commence par des choses qui sont vraiment petites. Des choses qui sont, yani, à la base, peut-être même parfois insignifiantes ou pas très visibles. Mais ça commence petit à petit jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'incontrôlable et de difficile à gérer par la suite. Et le cheikh ici, il a mentionné un exemple par rapport au dernier parmi les khulafa de Bani Umayya, hein, quand la dynastie des Umayyades est tombée. Donc le dernier des khulafa de cette dynastie, quand il est tombé, eh bien il a justement mentionné une parole par rapport à ce sujet-là qui a fait réfléchir. Et c'est ça ce qu'il a cité ici. Il dit « ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أمير المؤمنين مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية وهو آخر خلفاء بني أمية أنه قال لبعض من معه لما أحيط به من قبل العباسيين ألا ترى ما نحن فيه؟ ولهفاه على دولة ما نصرت وكف ما ظفرت وأيد ما ذكرت ونعم ما شكرت فقال له الخادم وكان واقفا على رأسه من أغفل الصغير حتى يكبر والقليل حتى يكثر والخفي حتى يظهر وأخر فعل اليوم لغد حل به أكثر من هذا انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il mentionne que Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya, donc il a donné la biographie du dernier des khulafa de Bani Umayya, Amir al-Mu'minin Marwan ibn Muhammad ibn Marwan ibn al-Hakam ibn Abi al-As ibn Umayya. Donc comme on a dit, le dernier khulafa de Bani Umayya. Et il a dit, quelqu'un lui a dit alors qu'il était encerclé par les Abbasiyins, yani, il y a quelqu'un qui était avec lui, et il lui a dit, hein, avant de mourir ou bien avant sa fin, ne vois-tu pas ce dans quoi nous sommes, hein? Donc il a dit, yani, comme c'est malheur, comme c'est malheureux et comme c'est triste, qu'est-ce qui arrive à un état lorsqu'il n'est pas défendu et une main lorsqu'elle n'est pas déployée, hein, et un support ou une force qui n'est pas mentionnée et une grâce qui n'est pas remerciée. Et ça c'est justement le khalifa qui a dit ça. Et le servant qui était là, et il se tenait à sa tête, et c'est lui qui a dit ça. C'est le servant qui lui a dit, Yani, celui qui est insouciant à ce qui est petit, jusqu'à ce que cette chose devienne plus grande, et qui est insouciant vis-à-vis de ce qui est peu, jusqu'à ce qu'elle devienne plus nombreuse, et qui est insouciant vis-à-vis de ce qui est caché, jusqu'à ce que ça apparaisse, et qui retarde l'action d'aujourd'hui jusqu'à demain, eh bien, il lui arrive, hein, encore plus que ce qui arrive maintenant. Donc ça, c'est la fin de la citation et c'est un exemple ici qui fait réfléchir par rapport au fait de laisser traîner les choses ou de laisser passer les choses qui sont dangereuses et qui peuvent par la suite, avec le temps, s'aggraver et ce qui semblait au début insignifiant devient à la fin une cause d'une rébellion et d'une grande révolte et qui sème la fitna. Hein, c'est ce qui a fait que la Dawla, hein, l'État ou la dynastie des Umayyad, a chuté et a été remplacée par une autre dynastie qui est, hein, Al-Abbasiyya. Dawla Al-Abbasiyya. Et à travers l'histoire, il y a toujours eu des choses comme ça. Il y a eu Al-Umayyad, après Al-Abbasiyya, après il y en a eu d'autres. Il y a eu les Othmaniyya, les Ottomans. Après ça, maintenant il y a Dawla Saoudiyya et. À chaque fois, il y a une dynastie qui vient, il y en a une qui tombe, il y en a une qui vient, il y en a une qui tombe, et ainsi de suite. D'accord? Mais si on n'apprend pas des leçons de nos erreurs et de qu'est-ce qui est arrivé pour que les chutes se produisent, eh bien, on recommence à chaque fois. Hein? Comme on dit, l'histoire se répète. Hein? Allah musta'an. Donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit « Waqad ja'at » هذه الرواية في الجليس الصالح لأبي الفرج معافى ابن زكريا وفي التذكرة الحمدوية الحمدونية وسراج الملوك للطرطوشي والمتأمل للأحداث قبل سقوط دولة بني أمية يدرك أن هذه المقولة حق أن هذه المقولة حق وأن سبب زوال دولة مروان بعد قضاء الله ما ذكره. Donc il dit que cette histoire elle est rapportée dans d'autres livres comme Al-Jalis Salih de Abi al-Faraj Mu'af ibn Zakaria et At-Tadhkirat al-Hamduniyya et Siraj al-Muluk de At-Tirtushi. Et il dit que toute personne qui médite sur les événements qui se sont produits, qui sont arrivés avant la chute de l'empire de Bani Umayya, il va réaliser que cette parole qui a été dite est véridique. Hein? C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les choses petites jusqu'à ce qu'elles deviennent grandes, ou les choses qui sont peu jusqu'à ce qu'elles deviennent nombreuses, ou les choses cachées jusqu'à ce qu'elles deviennent apparentes, et retarder les choses d'aujourd'hui à demain. Et il mentionne que parmi les causes qui ont amené à la chute de l'empire des Umayyads, il y a, après le décret d'Allah, ce que cette personne a mentionné. Et il dit « Wa abrazu ma yudhkaru huna munasahatu Nasr ibn Sayyar, na'ib Marwan, ala Khurasan, lil khalifati Marwan, haythu katabahu fi sha'ni zuhuri abi Muslim al-Khurasani, wa دعوته إلى إماتة إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وطلب منه العون في محاربة أبي مسلم وكان مما كتب نصر أبياتا من الشعر فيها أرى خلل الرماد من ميض جمر وميض جمر وأحسب أن سيتبعه ضرامة فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أولها كلام فقلت من التعجب ليت شعري أي أأيقاظ أمية أم نيام فلم يعنه مروان بشيء بل قيل إنه قال فوقع في نفسي أن هذا الرجل يريد الاستكثار من الأموال فكتب نصر بن سيار إلى يزيد بن عمرو ابن هبيرة أو ابن نعم ابن هبيرة نائب العراق يستمده على أبي مسلم، وكان مما كتب نصر أبلغ يزيد خير القول أصدقه، وقد تبينت أن لا خير في الكذب، أن خراسان أرض قد رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب، فراخ عامين إلا أنها كبرت لما يطرنا قد سربلنا بالرغب بالزغب عفوا، فإن يطرنا لم يحتل لهن بها، يلهبن نيران حرب أيما لهب. يعني لم يعنه يزيد بشيء، وهكذا خذل نصر بن يسار رحمه الله حتى مات كمدا، مع أنه إنما يسعى لتثبيت خلافة بني أمية، ودرء النكبات عنهم فلله الأمر من قبل ومن بعد، فإذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون. Donc ici le cheikh il explique que parmi les choses qu'on peut mentionner par rapport à la chute de l'empire de Bani Umayya, c'est premièrement le conseil de Nasr ibn Yasar, qui était l'adjoint de Marwan dans la ville de Khurasan. Et donc il était son adjoint, l'adjoint du Khalifa, et il lui a écrit à propos de Abu Muslim al-Khurasani et de son appel à supporter Ibrahim ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas comme dirigeant ou comme imam, c'est-à-dire il voulait que ce soit lui le dirigeant. Donc c'est comme si ce Abu Muslim al-Khurasani, il voulait remplacer le khalifa par Ibrahim ibn Muhammad. Alors, lui, Nasr ibn Yasar, il demande au khalifa Marwan, le khalifa al-Umawi, de le supporter dans sa guerre contre Abu Muslim, qui veut faire la révolte. Et parmi les choses qu'il a mentionnées à ce sujet-là, il a écrit dans un poème l'explication de qu'est-ce qui se passe, pour lui expliquer que la situation, s'il ne le gère pas tout de suite, ça va devenir plus grave dans ce sens-là. Et qu'au début, la guerre, ça commence par des paroles, mais que par la suite, ça devient quelque chose de plus dangereux, plus difficile à gérer. Et là, il dit à la fin, فَقُلْتُ مِنَ التَّعَجُّبِ لَيْتَ شَعْرِ أَأَيْقَاذٌ أُمَيَّةٌ أَمْ نِيَامٌ. C'est-à-dire, j'ai dit par étonnement, est-ce qu'ils sont endormis ou est-ce qu'ils sont réveillés ou est-ce qu'ils sont endormis? Parce qu'il n'y a pas eu de réaction de la part du khalife. Et il ne l'a pas aidé dans cette guerre contre la rébellion. Et il a dit que Marwan a dit par rapport à cette demande, c'est un homme qui veut avoir plus d'argent. Il a pensé que Nasr ibn Yasar, ibn Sayyar, il veut juste avoir plus d'argent, donc il demande de lui envoyer des hommes et du support. Alors quand Nasr ibn Sayyar, il a vu qu'il n'a pas eu de réponse du khalifa, il a écrit à un autre parmi les responsables, c'est-à-dire l'adjoint ou le gouverneur de l'Irak, et il lui a demandé du support, wa alaykoum salam wa rahmatullah, du support et de l'aide contre Abi Muslim. Et parmi les choses qu'il lui a mentionnées, justement, des choses semblables, que il y a des petits qui commencent à sortir, puis c'est des petits poussins maintenant, mais que si on les laisse, ils vont commencer à grandir, puis à un moment donné, ils vont s'envoler, puis après, ils vont faire brûler tout, puis on ne pourra plus contrôler quoi que ce soit. Alors, à la fin, quand il a demandé donc à Yazid ibn Omar, le gouverneur de l'Irak, de l'aider, Eh bien, il n'a rien fait. Hein? Donc, Nasr ibn Yassar, finalement, il a été abandonné complètement. Et il n'a pas rien pu faire contre la rébellion. Hein? Et finalement, malgré qu'il ne faisait rien d'autre qu'essayer d'aider à supporter le khilafat de Bani Umayya et de repousser les malheurs de Bani Umayya. Mais comme le cheikh il dit, falillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Le commandement il revient à Allah avant et après. Et lorsqu'il décrète une chose, eh bien il n'a qu'à dire soit et la chose est. Et il dit ensuite, وإن كان نصر قد خذل من قبل ساسة عصره فإن التاريخ حفظ له هذه المكرمة ليصبح مثالا للصدق مع الله والصدق مع الناس حتى قال بعضهم لم يبقى على ولائه للبيت الأموي في ذلك العصر المبتلي بالأنانية والخيانة والغدر. Illa Nasr ibn Sayyar. Donc il dit que malgré que Nasr ibn Sayyar il a été abandonné par les dirigeants de son époque, mais l'histoire a préservé cette chose honorable à son sujet du fait que il est resté comme un modèle d'honnêteté et de sincérité avec Allah et avec les gens. Hein? Puisque certains ont même dit à son sujet qu'il n'a pas resté dans toute la demeure ou toute la maison des Umayyah, personne jusqu'à la fin, jusqu'à cette période dans laquelle il y avait beaucoup d'égocentrisme et d'égoïsme hein, et de trahison, personne excepté Nasr ibn Sayyar. Donc c'est-à-dire c'est lui qui était resté fidèle et honnête jusqu'à la fin. Et ça c'est une chose honorable hein, qu'on peut dire à propos de quelqu'un. Et il dit après, وَقَالَ الذَّهَبِ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ وَاسْتَسْرَخَ نَصْرَ بِمَرْوَانِ غَيْرَ مَرَّةِ فَبَعُدَ عَنْ نَجْدَتِهِ وَاسْتُغِلَّ بِاخْتِلَالِ أَمْرِ أَذَرْبَيْجَانِ وَالْجَزِيرَةِ فَتَقَهْقَرَ نَصْرٌ. Ça va? الحمد لله عبد الوهاب وجاءه الموت على حاجة فتوفي بساوة في سنة إحدى فتوفي بساوة في سنة 31 انتهى كلامه. وهذه السنة وفي هذه السنة أقبلت سعادة بني العباس وولت الدنيا عن بني أمية. Donc c'est ça la réalité. Zahabi dans Sir Alam al-Nubala quand il a mentionné justement que Nasr ibn Sayyar il a crié à l'aide plusieurs fois hein, pour que le Khalifa al-Umawi, le dernier des Khulafa de Bani Umayya, Marwan, viennent à son secours, hein, viennent l'aider pour contre les gens qui voulaient la rébellion. Et malheureusement, il n'y a rien qui a aidé. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a été, il a essayé de gérer les rébellions qui se sont produites, mais il n'a pas pu finalement rien faire jusqu'à ce qu'il meure. Hein, et il est mort en l'an 131 après la Hijra. Et dans cette année-là, c'est là que Bani al-Abbas ont pris le pouvoir et ils ont enlevé du pouvoir les Bani Umayya. Ils ont tué toutes les descendants de Bani Umayya, ils les ont tous exterminés. Et ils ont pris le pouvoir à la place. En général, c'est comme ça, quand il y a une dynastie ou quand il y a une famille qui prennent le pouvoir, ils exterminent tous les descendants de l'autre famille qui était au pouvoir avant pour qu'il n'y ait pas de contestation par la suite. Comme ça, ils vont dire, il n'y a personne qui va venir pour dire le trône nous appartient ou c'est à nous le pouvoir. Hein? Donc, c'est toujours comme ça, Yann. Mais je pense qu'il y en a un qui avait réussi à s'enfuir et qui est parti jusqu'en Andalousie, et il a fait un autre état là-bas. J'ai oublié je connais pas les noms, les détails, mais c'est une chose qui me reste à l'esprit, Yann. Après, non, c'est pas Tariq ibn Ziyad. Ça, c'est après. C'est-à-dire, Tariq ibn Ziyad, c'est lui qui a conquis ouvert l'Andalousie. Mais moi, qu'est-ce que je parle, ce que je suis en train de mentionner, c'est un petit peu plus tard, que celui qui est parti dans cette région-là et qui a pris la baïa des gens là-bas et qui est devenu le khalifa dans cette partie. Donc ça, c'est plus tard. Mais bon, après, le cheikh, il dit, « وهذه القصة التي توافقت كتب التاريخ على نقلها فيها تنبيه لأولي الأمر أن لا يغفل الصغير حتى يكبر وأن لا يترك القليل حتى يكثر والخفي حتى يظهر وأن لا يؤخر عمل اليوم لغد. » Donc il dit, dans cette histoire, que les livres d'histoire se sont mis d'accord pour transmettre, hein, et pour rapporter, eh bien, il y a une note importante et une attention importante à donner aux dirigeants et aux responsables. C'est de ne pas être insouciant par rapport aux petits jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. C'est-à-dire, quand une fitna, elle est petite, ne pas la laisser devenir grande. Et quand il y a un petit nombre qui commence à faire la fitna, de ne pas les laisser devenir trop nombreux. Hein? Et quand quelque chose est fait en secret ou est caché, de ne pas le laisser jusqu'à ce que ça devienne apparent. Hein? Parce qu'après, tu peux plus le contrôler facilement. Et de ne pas laisser les choses à demain, si tu peux le régler aujourd'hui. Et il dit donc, « وَقَالَ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ » Donc, dans Sourate Yusuf, le verset 111, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a dans leur histoire une leçon, hein, pour les gens qui ont la raison. Et ça, c'est de façon générale, quand on mentionne l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé dans les situations des différents prophètes du passé, ou dans les histoires en général, qu'est-ce qui est arrivé à des peuples, il y a une leçon pour les gens dedans. Donc, il faut tirer des leçons. Comme le printemps arabe, exactement. Hein? Le printemps arabe, là, il y a eu le nouveau printemps arabe, mais il y a eu avant ça des printemps arabes, dans le sens que cette expression-là, elle a été utilisée bien avant. Il y a un homme qui s'appelle, un Français qui s'appelle Benoît Méchain. Benoît Méchain, c'est un auteur français. Et lui, il a écrit un livre. À l'époque, il a visité beaucoup des pays arabes et il était même proche de certains des amis avec certains des dirigeants dans les pays arabes. Et il a écrit des livres sur différents dirigeants et différents pays musulmans. Et dans un de ces livres-là, un de ces livres qu'il a écrit, c'est Un printemps arabe. Ouais, en 1959. Il a écrit ce livre qui s'appelle Un printemps arabe. Et quand tu lis ces récits, il parle de différents pays, de la Syrie, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, de l'Irak, de la Tunisie, de l'Algérie, en tout cas, plusieurs pays, des pays arabes. Et tu vois que qu'est-ce qui s'est passé les dernières années, là, dans les printemps arabes, qu'est-ce qu'ils appellent les printemps arabes? Eh bien, ça s'était déjà passé à cette époque-là. Hein? Dans les années 60, les années 50, 60, dans les pays arabes, il y a eu ce même genre de rébellion, de révolte, de soulèvement. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, ce n'est pas nouveau, cette expression-là. Ils l'ont juste ramené encore une fois. Et le cheikh, il dit ensuite, وقد نص أهل العلم على أن الولي أن ولي أن لولي الأمر تأديب من يثبت عنه يثبت عنه وذلك دفعا للشر قبل استحفاله وحفظا للمصالح لمصالح المسلمين قبل أن يعبث بها أو قبل أن يعبث بها. وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المقنع: وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فإن سبوا الإمام عزرهم. انتهى كلامه. لما وقع منهم من الأذى وذبا عن منصب الإمامة، فإن عرضوا بسب الإمام ولم يصرحوا يعني عزروا أيضا. ورجحه المرداوي في الإنصاف وغيره، لأن الإقرار على التعريض مفض إلى التصريح، فكان التعزير حاسما لما بعده من التصريح. Donc ici, le cheikh, il mentionne que certains parmi les savants de l'islam ont mentionné que le dirigeant doit punir ceux qui insultent le dirigeant et qui le dénigrent publiquement ou qui le dénigrent ou qui l'insultent de façon générale. Et ça, c'est pour repousser le mal avant qu'il se propage et qu'il devienne généralisé, et pour préserver les biens des musulmans, pour pas qu'on... Yani, détruisent le, ou enlèvent le bien que les dans lequel les musulmans sont. Et les gens en général, comme on dit, hein, ils ont tendance à ne voir que le mal, hein, et ils ne réalisent pas les grâces et le bien que, dans lequel ils sont, jusqu'à ce qu'ils les perdent. Jusqu'à ce qu'ils les perdent. Et quand ils perdent les grâces que Allah leur a données, là, ils réalisent que ce qu'ils avaient auparavant, c'était bon. Hein. Mais au moment où ils étaient dans ces grâces-là, ils disaient, on n'est pas bien, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on veut ci, on veut ça, hein, on n'a pas suffisamment. Yani, les gens, comme on dit, hein, le gazon du voisin, il est toujours plus vert que chez nous. Hein. Ça, c'est l'expression, yani. Nasallallahu alayhi wa sallam. Naam. Oui, oui. Le hadith, comme le frère il mentionne, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il y a un être, l'être humain, s'il avait une vallée en or, ou une vallée d'or plutôt, il en voudrait une deuxième. Et il n'y a rien qui va remplir le ventre des fils d'Adam, excepté la tombe, la terre de sa tombe. Il n'y a rien qui va remplir le ventre du fils d'Adam, excepté la terre de sa tombe. Pourquoi? Parce que on a toujours faim. C'est vrai. Même si tu dis, là, tu manges aujourd'hui, là, tu remplis ton ventre, même si tu as mal au ventre tellement tu as trop mangé, demain, tu vas avoir encore faim. Et après-demain, tu vas avoir encore faim. Alors, ton ventre, il sera jamais fini, il va jamais être fini d'être rempli. La seule chose qui va le remplir, c'est la terre quand tu vas mourir. À ce moment-là, la terre, elle va remplir ton ventre pour de bon. Hein? Après ça. C'est vrai. Allah al-Musta'an. Et l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, c'est vrai par rapport à la nourriture, mais par rapport à l'or, c'est la même chose. L'être humain, quelqu'un dit, ah, si seulement je pouvais avoir une femme, je vais être l'homme le plus heureux du monde et je ne voudrais plus rien d'autre par la suite. Et une fois qu'il a cette femme, eh bien après, il dit, ah, si seulement j'avais une belle voiture, si seulement j'avais une belle maison, si seulement j'avais, hein, une deuxième épouse, et si seulement j'avais, hein, des enfants, ou si seulement j'avais ci et ça, l'être humain, il ne sera jamais satisfait. Et même dans l'exemple du hadith du dernier homme qui rentre au paradis, lorsqu'il sort de l'enfer et qu'il est mis dans la rivière de la vie, hein, et qu'il sort de sa croûte, hein, de sa croûte de brûlée, là, de sa peau qui est calcinée, il sort de cette croûte comme une germe qui sort de sa graine, là, et il revit. Et Allah, il le met proche du paradis, mais pas très proche, mais un peu plus proche du paradis. Il dit, oh Allah, laisse-moi être juste à côté de l'arbre qui est là-bas. Alors, il le met à côté de l'arbre. Il dit, oh Allah, laisse-moi être juste au bord de la porte. Il le met au bord de la porte. Il a dit, oh Allah, s'il te plaît, tu me laisses rentrer dans ton paradis. Il a dit, ok, demande-moi tout ce que tu veux. Alors il lui demande, il lui demande, il lui demande, il lui demande. Et même tellement qu'il demande, à la fin, il répète des choses qu'il a déjà demandées, mais il a oublié qu'il l'a demandé tellement il a. Et il a dit, t'as fini maintenant? Il a dit, oui, j'ai fini. Ouais, comme ça. Il dit, ok, t'as fini? Ok, d'accord. Je te donne 10 fois plus qu'est-ce que t'as demandé. Hein? Alors, c'est comme pour dire que, il dit, oh Allah, si tu me donnes ça, là, je ne vais plus jamais te demander rien d'autre. Et après, finalement, Allah, il dit, oh Allah, fais-moi rentrer à l'intérieur. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il rit. Parce qu'il connaît l'être humain. Hein? Et c'est lui qui l'a créé. Donc, yani, Allah subhanahu wa ta'ala finalement le fait rentrer dans son paradis par la suite. Donc, tout ça, c'est pour dire l'être humain, il est comme ça. Yani. Il n'y a rien qui va le changer, c'est sa nature. Hein? Et donc, Allah al-Musta'an, l'être humain, il est comme ça. Les gens, ils ont dit, ah, on est dans notre pays, on n'est pas bien parce qu'on n'a pas ça. On n'a pas ça. Mais quand est-ce que vous avez vu dans un pays que les habitants de ce pays-là sont satisfaits à 100% et qu'ils ne veulent plus rien du tout et qu'ils ne demandent rien ou ils se plaignent de rien. Nulle part. Il n'y a pas un endroit sur Terre où les gens sont tous satisfaits et tout le monde a tout ce que son cœur désire et que tout le monde va pas, personne va se plaindre de quoi que ce soit du tout. Non, il n'y a pas ça. Hein? Mais il y a des endroits où il y a des gens qui se plaignent plus que dans d'autres. Hein? Il y a des gens qui ont malheureusement ce défaut-là. Qui est multiplié chez eux. Et qu'est-ce qui fait la différence en réalité par rapport à ce comportement-là? C'est aussi la foi. Parce que le mu'min, quand il comprend et quand il croit en Allah et quand il connaît sa religion, eh bien, ça l'aide à être plus contenté de ce qu'il possède et de ne pas se plaindre trop et en même temps d'être reconnaissant envers les grâces qu'il a. Hein? Parce que des fois, tu dis, ah, oh, c'est vrai, j'ai pas, par exemple, j'ai pas tout ce que je veux. Mais au moins, alhamdoulillah, j'ai ce que j'ai, c'est déjà un bien. Hein? Moi, j'ai deux jambes, il y en a qui n'ont même pas deux jambes, il y en a qui ont juste une. Hein? Moi, j'ai deux yeux, il y en a qui ont juste un. Il y en a qui n'ont même pas deux yeux du tout. Donc, pourquoi je vais toujours me plaindre? Hein? Donc, c'est celui qui a pas la vue. Il ne se plaint pas comme moi, alors que moi j'ai les deux yeux et je me plains. Comment ça se fait? Hein? Donc ça c'est un exemple, Yanni. Oui, dans les choses de la dunya, de regarder ceux qui sont en dessous de toi, et dans les choses de la religion, regarder ceux qui sont au-dessus pour que tu te forces à essayer de t'améliorer et devenir meilleur. Et il dit ensuite, le cheikh, après avoir mentionné ça, il mentionne les paroles de Ibn Qudama al-Maqdisi, hein, le grand savant de fiqh du madhhab al-Hanbali, dans son livre Al-Muqni'. Il mentionne, il dit que lorsque un groupe parmi les Khawarij laisse paraître leur opinion, hein, mais tant qu'ils ne se sont pas réunis pour faire la guerre ou combattre, alors, dans ce cas-là, le dirigeant, il doit les laisser. Tant qu'ils n'ont pas pris les armes pour faire la guerre, il ne doit pas les attaquer. Mais il dit, tandis que si ils commencent à insulter le dirigeant, il doit les punir dans ce cas-là. Il doit les punir. Il dit, parce que il y a du mal qui découle de ça, et il faut en même temps défendre la position du dirigeant. Son statut, le statut du dirigeant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le dirigeant lui-même que tu vas défendre en empêchant ou en punissant ceux qui l'insultent, mais c'est son mansib, hein? C'est son statut lui-même, c'est son degré lui-même, c'est le poste, hein? C'est ce que représente son poste de dirigeant qui doit être respecté en fait, pas nécessairement sa personne à lui seulement. Parce que si ce n'était pas lui, ce serait quelqu'un d'autre. Et dans tous les cas, il faut le respecter. Hein? Et il dit, فَإِنْ عَرَّضُوا بِسَبٍّ hein, بِسَبِّ الْإِمَامِ وَلَمْ يُصَرِّحُوا عُزِّرُوا أَيْضًا. Donc si ils ne font pas une insulte directe, mais ils font des insinuations qu'ils veulent l'insulter, des choses qui insinuent qu'ils l'insultent. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils sont, comme on dit, mesquins, et ils ne vont pas insulter ouvertement parce qu'ils savent, s'ils insultent directement, que ça va être... pas accepté, que ça va être, ils vont être punis pour ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des insinuations. Hein? Ils font des insinuations indirectes. Alors, il dit, dans ce cas-là, ils doivent être punis quand même aussi. Et Al-Mardawi, un des ulama, des fuqaha, il a mentionné que cette position-là, c'est correct, c'est la vraie, c'est la bonne position à ce sujet-là. Et d'autres savants l'ont dit également. Pourquoi? Parce que si tu laisses les insinuations se propager, eh bien, ça va amener à ce que les gens disent des insultes explicitement par la suite. Parce que les gens commencent par des choses, hein, au début, ils commencent par des insinuations, jusqu'à ce que ça augmente, ça devient de plus en plus répandu. Puis après, les gens commencent à dire les choses, hein, directement, ouvertement et explicitement. Et donc, il dit, donc, quand il va les punir, ces gens-là, eh bien, les gens vont s'abstenir de vouloir exprimer ces choses-là explicitement par la suite. Il dit « وَقَدْ نَصَّ الْعَلَّامَ السَّرْخَسِي مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فِي كِتَابِهِ الْمَبْسُوطِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ مِنْهُ خُرُوج أو لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ خُرُوج فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ مَا لَمْ يَعْزِمُ عَلَى الْخُرُوج فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ فيحبسهم قبل أن يتفاقم الأمر لعزمهم على المعصية وتهييج الفتنة. انتهى كلامه. Donc il mentionne qu'un des savants parmi les ulama al-Hanafiyya, Sarkhasi s'appelle, un des ulama du madhhab al-Hanafi, dans son livre de fiqh qui s'appelle Al-Mabsout, il dit dedans que le dirigeant ne doit pas tuer celui qui n'a pas laissé paraître ouvertement sa position, il y en a de vouloir faire la révolte contre le dirigeant. S'il n'a pas laissé ça sortir ouvertement, il ne doit pas le tuer. Et il dit jusqu'à ce qu'il ne soit pas déterminé à vouloir se rebeller contre le dirigeant. Alors à ce moment-là, il doit les prendre et les arrêter, hein, pour ne pas que l'affaire s'aggrave par la suite et que yani il soit déterminé à faire le péché et à semer la fitna dans la société. Ensuite, il dit وقد ذهب العلام الشوكاني الى وجوب تأديب المثبط سواء كان تثبيته بسب الامام او غير ذلك وان التثبيط نزع ليد الطاعه من الامام فقال رحمه الله تعالى فالواجب دفعه أي المثبت عن ولي الأمر عن هذا التثبيط فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عن عندها الحرم ففي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام انتهى كلامه وهذا الحكم الشرعي من هذا الإمام الجليل في شأن الذين يثبتون عن ولي الأمر تنبيه على وجوب وأد الفتنة في مهدها والقضاء عليها قبل استحفالها وذلك بما يراه ولاة الأمر مناسب للجرم ومحققا للمصلحة دون حيف أو تقصير وقد ذكر ابن الجوزي في المنتظم أن خالد ابن عبد الله القسري خطب يوم أن كان وليا على مكة فقال والله إني ما أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم نعم Donc ici, le cheikh, il mentionne que Al-Shawkani, rahimahullah, il mentionne l'obligation de punir la personne qui insulte le dirigeant ou fait quelque chose pour dénigrer le dirigeant. Parce que c'est une forme de hein, quand quelqu'un, par exemple, il insulte le dirigeant ou il fait quelque chose pour dénigrer le dirigeant, eh bien, c'est comme s'il appelait à ce que les gens retirent leur main de l'allégeance et de l'obéissance qu'ils ont envers ce dirigeant-là. Et ça, c'est une façon de diviser la jama'a, hein, et de créer la fitna. Donc, il dit ici qu'il est obligatoire donc, de repousser la personne qui dénigre le dirigeant ou bien appelle à désobéir au dirigeant. Et donc, s'il ne s'abstient pas de le faire, il doit lui donner un châtiment sévère et empêcher cette personne de continuer dans la voie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Empêcher cette personne de continuer dans cette voie dans laquelle il avance pour justement faire cette rébellion contre le dirigeant, soit par le fait de l'emprisonner ou un autre moyen parmi les moyens, yani du moment qu'il l'empêche d'avancer dans cette voie. Il dit parce qu'il a commis un grand péché, quelque chose de très, très grave qui est interdit, et il fait des efforts pour semer la fitna, le désordre, la tribulation qui va faire couler le sang et qui va faire en sorte que par la suite les gens vont commettre plein de crimes et de péchés à cause de ça. Parce que quand, comme on le sait, quand il y a des rébellions, des manifestations, des coups d'État et des guerres civiles, qu'est-ce qui en découle? Beaucoup de gens meurent, d'innocents sont tués, l'honneur est bafoué, les femmes sont violées, les biens sont volés, et ainsi de suite. Hein? Tout ça à cause de la rébellion et de la révolte contre le dirigeant, et ça c'est quelque chose qui est grave, surtout entre des musulmans. Hein? Les gens qui disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », ils font la prière, puis après ils commencent à s'entretuer, hein, pour le pouvoir ou pour d'autres choses comme ça. Ça c'est la fitna, et ça c'est interdit. Et donc la personne qui fait ça, c'est comme si elle était en train de vouloir appeler à retirer l'allégeance qu'elle a de son dirigeant et son obéissance. Donc ça c'est pour la raison pour laquelle la personne en question doit être punie. Et donc ça c'est la fin de cette citation de Cheikh Al-Shawkani dans son livre As-Sayl al-Jarrar. Et il dit que Cheikh Abdus Salam, il dit que ce jugement, ce verdict religieux de la part de l'imam Shawkani à propos de ceux qui veulent se rebeller ou appellent à insulter les dirigeants, des choses comme ça, c'est quelque chose qui nous indique qu'il faut tuer la fitna avant qu'elle grandisse. Hein? Il faut la tuer au berceau, comme on dit. Et puis il faut l'enrayer avant qu'elle se propage et qu'elle se diffuse et qu'elle devienne générale. Et ça c'est yani, avec les moyens que le dirigeant considère comme étant les plus yani, les plus adaptés pour le crime commis ou pour réaliser le bien pour la société sans faire d'injustice, mais en même temps sans faire sans tomber dans le laxisme ou dans le manquement. Hein? Donc il faut être dans l'équilibre. Après, le cheikh, il dit que l'imam al-Jawzi, il a dit dans Ibn al-Jawzi, il dit dans son livre Al-Muntazam ou Al-Muntazam, je pense que c'est Al-Muntazam, que Khalid ibn Abdullah al-Qasri, il a fait un discours un jour. C'était le dirigeant, le gouverneur de la Mecque. Khalid ibn Abdullah al-Qasri. C'était le dirigeant de la Mecque. Je pense que vous avez probablement entendu déjà l'histoire à son sujet, parce que c'est lui qui a exécuté Ja'ad ibn Dirham. Et Ja'ad ibn Dirham, c'est lui en réalité le fondateur de la secte des Jahmiyyah. Parce que c'est lui qui était le professeur de Jahm ibn Safwan, celui qui a créé justement cette secte de Jahmiyyah. On l'attribue à Jahm ibn Safwan, cette secte. On l'appelle Jahmiyyah, alors qu'en réalité, c'est Ja'ad ibn Dirham qui l'a créé. parce que c'est lui le premier qui a amené ces idées-là. Et il a eu parmi ses premiers élèves Jahm ibn Safwan. C'est pour ça que par la suite, cette secte a été connue comme étant Al-Jahmiyyah par la suite. Mais Ja'ad ibn Dirham, il appelait à nier les attributs d'Allah ouvertement. Et il disait, Allah n'a pas parlé à Ibrahim, n'a pas parlé à Moussa, et il n'a pas pris Ibrahim comme Khalil, et il niait donc tout ce qui est mentionné dans le Coran comme attribut à propos d'Allah. Et les ulama ont considéré que cet homme-là, c'était un kafir. Alors, ils l'ont exécuté. Hein? Et lui, il l'a exécuté, Khalid ibn Abdullah al-Qasri, qui était le gouverneur de la Mecque, il a exécuté Ja'ad ibn Dirham le jour de Eid. Et quand il a fait la khutba de Eid, hein, il a dit, après avoir fait la salat, il a fait la khutba, il a dit aux musulmans, oh les musulmans, allez égorger vos moutons. Moi, je vais égorger maintenant Ja'ad ibn Dirham. Hein? Vous allez égorger vos moutons, moi je vais égorger Ja'ad ibn Dirham parce qu'il a dit que Allah n'a pas parlé à Moussa. Et il n'a pas pris Ibrahim comme son Khalil. Et donc c'est ça. C'est une histoire qui est connue dans les livres d'histoire. Mais ici, qu'est-ce qu'il a cité? C'était une autre parole de ce gouverneur de l'époque, Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Il dit qu'il a fait un discours un jour et il a dit, par Allah, si on m'amène une personne qui insulte son dirigeant, je vais le crucifier dans le haram, c'est-à-dire dans le sanctuaire de la Mecque. Donc pour dire à quel point ce péché-là, il est grave. Après, le cheikh, il dit, donc après il y a un autre chapitre, et il n'est pas long, donc on va le lire aussi. C'est Issa'atul Dhan, parmi les causes de la division de la Jama'a, Issa'atul Dhan biwulatil amri minal muslimin. C'est-à-dire d'avoir des mauvaises pensées, hein, des mauvaises suspicions au sujet des dirigeants musulmans. Et ça, à notre époque, c'est vraiment quelque chose qui est répandu. Pourquoi? Parce que les gens à notre époque sont devenus très influencés par tout ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux et dans les médias, et en particulier sur tout ce qui a rapport avec les théories complotistes et les idées au sujet des Illuminati et des francs-maçons et de tous ces trucs-là. Alors, les gens, ils sont comme devenus un peu comme paranoïaques, hein, et ils doutent de tout le monde et de tout. Et en réalité, si tu regardes, beaucoup de ces choses-là, ce ne sont que des conjectures. Que des conjectures, pourquoi? Parce que tu ne peux pas le prouver. Et c'est ce que les spécialistes ont dit justement à propos des conspirations, c'est qu'une bonne conspiration, c'est celle que tu ne peux pas prouver. Si tu peux la prouver, ce n'est pas une conspiration. Et qu'est-ce que tu ne peux pas prouver? Eh bien, est-ce que tu peux agir selon qu'est-ce que tu ne peux pas prouver? Tu ne peux rien faire. Si tu pouvais faire quelque chose, il faut ramener des preuves, faire des enquêtes, amener des choses qui vont établir les preuves tangibles de ce que tu dis. Mais si c'est juste basé sur des suspicions ou des déductions sans aucun fondement, ça ne veut rien dire. Une fois, j'ai rencontré un homme comme ça, c'était un monsieur, yani, c'était un musulman, mais je ne veux pas dire de quel pays il était, mais yani, subhanallah, il commençait à me dire toutes ces théories qu'il avait sur tel ou tel pays ou sur tel ou tel dirigeant. Et il me dit, ah, eux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. J'ai dit, je m'excuse, mon frère. Moi, tu vois, j'ai aucun moyen de vérifier ce que tu me dis maintenant. Là. Est-ce que tu as une preuve de qu'est-ce que tu dis? Sur quoi tu te bases? Est-ce que tu as quelque chose qui détermine qu'est-ce que tu dis, que c'est véridique? Tu peux me le prouver avec des documents, des preuves? Il m'a dit non. Il m'a dit, mais c'est clair. J'ai dit, comment ça, c'est clair? Il a dit, mais oui. J'ai dit, OK, c'est quoi tes sources? C'est quoi tes sources d'informations sur lesquelles tu te bases pour... Il dit, tu sais, moi, je ne lis pas les médias populaires et les choses qui, tu sais, comme les nouvelles, les journaux, tout ça, qui sont officiels. Là. Il dit, non, je lis pas ça parce que ça, eux, ils ne disent pas la vérité. Hein? J'ai dit, dans ce cas-là, tu te bases sur quoi? Sur c'est qui est-ce que tu écoutes? Ah non, ça c'est d'autres médias, des journaux qui, eux, ils sont plus objectifs, ou bien ils regardent plus les choses, et ils regardent les... En fait, c'est pas, il n'y a pas de preuve, en réalité, c'est juste, ils voient ça, ils voient ça. C'est comme des gens qui disent, par exemple, ils se basent sur une photo, okay, un dirigeant musulman qui rencontre, par exemple, le président d'un pays comme par exemple un président américain, hein, ils ont une rencontre officielle, ils se serrent la main, les journalistes prennent la photo. Ils prennent cette photo-là puis ils disent, regarde, ça c'est la preuve qu'ils sont ensemble, hein, ils sont d'accord sur tout, et ils s'aiment, ils sont des amis, et puis ils ont la même croyance, ils sont sur la même religion. Ajib. Tu serres la main à un kafir, ça veut dire que tu deviens kafir toi aussi. C'est-à-dire, si on t'avait vu, par exemple, dans la rue en train de donner la main à ton voisin ou à un monsieur là dans la rue que tu rencontres, ou quand tu vas aller voir ton patron, tu vas aller travailler, tu lui serres la main, on te prend en photo, on dit, ah, regardez, lui, il a serré la main à ce kafir. Ça dit qu'il est comme lui, il a la même religion. Ajib. Depuis quand le fait de serrer la main à un président ou à un dirigeant kafir, ça te fait devenir kafir toi aussi? C'est juste pour dire comment les gens sont devenus maintenant ridicules avec leurs déductions qui sont complètement insensées. Hein? Donc c'est pour ça, eux, ils pensent que pour que le dirigeant soit un vrai dirigeant musulman, il faut que quand il voit le président d'un pays non musulman, qu'il lui crache dessus et qu'il l'insulte. Et qu'il lui lance des pierres sur sa tête ou je sais pas quoi. Et que sinon, s'il fait pas ça, il n'est pas un vrai musulman. Yani, c'est qui a dit ça? C'est basé sur quoi ça? Hein? Donc, tout ça pour dire, yani, comment les gens sont devenus yani, ignorants de la réalité de qu'est-ce que l'islam enseigne et yani, ignorants des règles et des principes de l'islam. Et à cause de ces zounouns, hein, de ces conjectures et de ces suspicions, ils se permettent d'avoir des soupçons et de penser du mal de leurs dirigeants et de parler contre eux par la suite, de faire la riba, la namima, hein, comme si pour le dirigeant, ce n'était pas grave de faire ça, comme s'il ne faisait pas partie des musulmans. Et le cheikh, il dit, وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث إن إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين في تصرفاتهم وما يتخذونه من قرارات له باب سوء يفضي بصاحبه إلى الوقوع في محظورات شرعية قد يتعدى ضررها إلى الناس عامة. Donc il dit le cheikh, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 12, dans sourate Al-Hujurat, ô vous qui avez cru, écartez-vous de beaucoup de suspicions. Certes, une partie de la suspicion est un péché. Et il dit, il est rapporté également selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à la suspicion, car la suspicion est la plus mensongère des propos, hein, la plus mensongère des paroles. Et il dit que de penser du mal de nos dirigeants parmi les musulmans, à cause des comportements ou des positions qu'ils prennent, ça c'est une porte du mal qui est ouverte et qui amène la personne qui a ces propos-là ou ces suspicions-là à tomber dans beaucoup de choses interdites à cause de ça. Et donc ça, c'est des choses qui, par la suite, amènent des conséquences très négatives pour les gens de façon générale. Et il dit que, il dit, « فَإِذَا فُتِحَ بَابُ الظَّنِّ فِي مَا يُمْضِيهِ وَلِيُّ الْأَمْرِ من تصرفات وقام كل واحد يدلي بتخرصاته تجاه تلك التصرفات وقع الناس في الظن المذموم شرعا وتدخل كل واحد فيما لا يعنيه وأثير القيل والقال الذي نهي عنه في الشرع ونطقت الرويبضات وكل ذلك وباله على الناس بعامة، لأن سبيل من لأنه سبيل من سبل الشيطان لإثارة الفتن وتسويغ الخروج على الولاة. Donc le cheikh il dit par exemple que si cette porte des suspicions s'ouvre, si elle est ouverte, eh bien qu'est-ce que ça amène comme conséquence? Ça amène comme conséquence yani que les gens, yani, chacun, il se permet de, d'amener ses, yani, ses analyses à propos de qu'est-ce que le dirigeant il a fait, pourquoi il a fait telle chose. Et ça, on le voit, même les koufars, ils ont des émissions juste pour ça. Commence à analyser les actions et les décisions et les positions et les réactions de tel ou de tel dirigeant, puis ils commencent à débattre sur ça. Qu'est-ce que le dirigeant il a dit, qu'est-ce que le dirigeant il a fait, et pourquoi il a fait ça, et qu'est-ce qui l'a amené à prendre cette décision, et ainsi de suite. Et là, les gens commencent à faire des lignes ouvertes à ce sujet. Les gens téléphonent pour dire qu'est-ce qu'ils pensent. Chacun, il dit son opinion. Oui, la liberté. Il y a une émission en arabe, ça s'appelle « Al-Ra'yu wal-Ra'yu l'Akhar ». Al-Ra'yu wal-Ra'yu l'Akhar. C'est-à-dire l'opinion, une opinion de, et l'autre opinion, ou bien l'opinion de l'autre. Et tout ça, c'est dans le but de dire que, en fait, finalement, chacun il a son opinion, et puis il n'y a pas une qui est plus valable que l'autre, peu importe. Chacun peut dire ce qu'il veut, mais à la fin, qu'est-ce que ça amène? Ça amène que les gens n'ont plus de respect pour rien par la suite. Ils n'ont plus de respect pour rien. Et le problème dans ces situations-là aussi, c'est que les gens, ils perdent leur temps avec ça. Parce que même si tout le monde donnait son opinion, là, comme tu vas dans la rue, tu demandes aux gens, vous, qu'est-ce que vous pensez de telle chose? Qu'est-ce que vous pensez de telle chose? Même si tout le monde dit qu'est-ce qu'il pense, est-ce que c'est eux qui ont la décision? Est-ce que c'est eux qui choisissent ou qui décident quoi que ce soit? Non. Même si dans la démocratie, là, comme ils disent, ils pensent que c'est le peuple qui a la décision, mais ça, c'est une illusion, ça. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut faire croire aux gens la réalité? On sait très bien que ça, c'est pas vrai. Donc, il dit, chaque personne, il va vider son seau, qu'est-ce qu'il pense avoir comme opinion à propos de ses comportements ou de ses attitudes ou de ses décisions ou de ses ci et ça. Et yani, les gens tombent dans les mauvaises suspicions qui sont interdites en islam. Et ils rentrent dans des choses qui ne les concernent pas. Ça, c'est deux choses aussi qu'on vient de mentionner. Ça, premièrement, des mauvaises suspicions, d'interpréter des comportements des gens sans même avoir de preuves ou sans même avoir de connaissances. Parce que souvent, tu peux voir quelqu'un faire quelque chose. Puis toi, tu dis, oh, mais astaghfirullah, pourquoi il a fait ça? Alors que toi, tu ne sais pas que lui, il était en train, en réalité, de prendre une position parce qu'il était entre deux feux. Il avait le choix soit de faire cette chose qui est haram ou l'autre chose qui est haram. Il y avait ce péché-là ou ce péché-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il a pas d'autre choix. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le moindre des deux. Et il voit que le moindre de ces deux mâles, c'est celui-là. Donc toi, tu le regardes de l'extérieur, tu n'es pas dans la situation, tu ne comprends pas le contexte, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a à prendre comme décision, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière. Puis toi, tu dis, ah, mais pourquoi il fait ça? Si j'étais à sa place, moi, je n'aurais pas fait ça, j'aurais fait ça, et ça, et ça, et ça. Sauf que tu n'es pas à sa place. Et le jour, et peut-être que tu devrais demander à Allah de faire en sorte que tu ne sois jamais à sa place. Parce que tu ne veux pas avoir cette épreuve et cette situation-là sur tes épaules. Mais le jour, si jamais tu es éprouvé que tu as cette... si tu étais à sa place, tu verrais que tu n'aurais pas plus de choix que lui. Et que la solution, elle n'est pas si simple que qu'est-ce que toi, tu t'imaginais. Mais comme on dit des fois, l'être humain, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Allah al-Musta'an. J'écoutais Cheikh Al-Fawzan une fois dans un dars, il expliquait, il disait, vous savez, avant les juges, dans les pays en Arabie Saoudite, là, il dit, le juge, il était dans la mosquée, ou bien dans un endroit, il y en est dans une petite ville, il y avait un seul juge pour toute la région. Les gens, ils venaient, ils présentaient leurs problèmes, et le juge, il jugeait, yani le cheikh, il jugeait dans les problèmes des gens, et c'était simple. Aujourd'hui, dans une ville, vous savez combien il doit y avoir de juges? Hein? Et dans un tribunal, combien il y a de juges et combien il y a de problèmes chaque jour? Il dit, maintenant, les choses sont devenues compliquées. Donc, les choses sont pas simples comme c'était à l'époque. Les choses sont devenues beaucoup plus graves. Et quand tu vois que plus la société s'agrandit et les moyens comment on dit, d'information, les moyens d'information qui diffusent toutes sortes de choses sont maintenant partout. Donc, les gens, ils sont bombardés de toutes sortes de futilités, de bêtises et de mensonges 24 heures sur 24. Et la société commence à devenir un peu, disons, il y a beaucoup de péchés qui se propagent. À cause de ça, il y a plus de problèmes, plus de troubles. Et donc, les gens dont ils ont besoin d'aller tout le temps régler les problèmes qu'ils ont à la cour pour aller trouver leurs droits et ainsi de suite. Mais ça, c'est des réalités. Peut-être qu'à l'époque, être dirigeant, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, à son époque, c'est quoi l'histoire que j'avais entendue quand j'étais étudiant? Il y a un professeur qui nous racontait ça. Il a dit, quand l'homme qui voulait tuer Omar ibn Khattab, il est arrivé à Médine, c'était Abu Lu'lu'a al-Majusi, c'était un esclave perse. C'était un Majus. Et quand il a voulu tuer Omar, il a dit, il est où Omar ibn Khattab? Alors ils lui ont dit, c'est l'homme qui est là-bas, qui est en train de prendre une sieste sous l'arbre. Il a dit, Adil tafanimta. Adil tafanimta. Il a dit, t'as été juste, alors t'as pu dormir. Quand tu es juste, tu peux dormir. Mais si tu es injuste, tu ne vas pas pouvoir dormir parce que tu vas avoir plein de problèmes. Oui, il avait la conscience tranquille. Donc, il l'a poignardé, puis il l'a tué. C'est comme ça. Donc, tout ça pour dire, la société était très simple à l'époque. Ce n'était pas compliqué comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et il y a des gens qui tiennent pas compte de la réalité. Des différences qui existent. Hein? Ils veulent que tout soit pareil. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. Hein? Parmi les choses qui fait le bon islam d'une personne, ou que son islam sera bon, c'est qu'il se mêle seulement de ce qui le regarde. Si quelque chose ne te regarde pas, ne t'en mêle pas, ça ne te concerne pas. Aujourd'hui, dans cette société, en particulier dans les sociétés occidentales, ils essaient de faire croire aux gens que tout concerne tout le monde. Hein? Ce que le dirigeant fait, ça le concerne. Les décisions qu'il prend dans l'économie, dans la politique, toutes les choses qu'il décide, ça concerne chaque individu. Le boulanger, le fermier, la brigadière, la femme de ménage, le concierge, les boueurs. Tout le monde est égal, tout le monde est pareil, tout le monde est concerné par les plus petites affaires et les plus grandes affaires de l'État. Où est-ce qu'elle est la logique là-dedans, hein? Alors que ces choses-là dépassent grandement la réalité de qu'est-ce que ces gens-là sont capables de comprendre ou de gérer, hein? Alors, est-ce que ces choses-là te concernent réellement? Non. Qu'est-ce qui te concerne? C'est les choses sur lesquelles Allah va te questionner, toi, au jour de la résurrection, quand tu vas être devant lui. C'est ça qui te concerne en réalité. Hein? Que tu viennes, par exemple, pour demander à quelqu'un, ou à un alim, ou à un cheikh, des choses au sujet de quelque chose qui est tellement loin de toi et qui n'a aucun rapport avec toi directement, et qu'au jour de la résurrection, même si tu ne le savais pas, ou même si tu ne poses pas cette question, ça ne va pas te rapprocher d'Allah. Ça ne va pas te rapprocher du paradis. Au contraire même. Ça risque peut-être même de t'éloigner du paradis. Donc pourquoi tu veux rentrer dans ça? Et donc, tu rentres dans Al-Qil wal-Qal. Al-Qil wal-Qal, les ragots. Qu'est-ce que les gens ont dit? Ah, un tel, il a dit ça. L'autre, il a dit ça. L'autre, il a dit ça. L'autre, il a dit ça. Hein? Tu perds ton temps à parler de qu'est-ce que les autres racontent. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Est-ce que tu es en train de t'approcher du paradis en rentrant là-dedans? Non. Et ça, c'est interdit par la charia. Hein? Hein? C'est quoi le hadith? Yani, naha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-qil wal-qal wa kathrati su'al wa ida'ati al-mal. Il a interdit al-qil wal-qal, justement la médisance, le ragot, le fait de parler de qu'est-ce que les gens ont dit et tout, de poser trop de questions, des choses au sujet des choses qui te concernent pas justement, et de gaspiller l'argent. Ça aussi c'est des choses interdites. Tout ça c'est mauvais. ونطقت الرويبضة. Ça c'est une des choses qui a été mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الرويبضة. Hein? Il y a une époque qui va arriver que les Rouaybida vont parler. Alors les sahabes ont dit, c'est qui les Rouaybida? Il a dit, الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. Donc الرجل التافه, c'est-à-dire la personne insignifiante qui se mêle des affaires générales des gens. Hein? Et c'est ça qui arrive à notre époque. Hein? N'importe quelle personne insignifiante se permet de parler des plus grandes choses, hein? Des choses les plus importantes, comme si c'était son droit et comme si c'était sa responsabilité de parler de ça. Alors qu'en réalité, c'est totalement faux. وَكُلُّ ذَلِكَ وَبَالٌ وَبَالُهُ عَلَى النَّاسِ بِعَامٍ. Toutes les conséquences négatives de ça, ça retombe sur les gens en général. Il dit parce que c'est un des chemins, parmi les chemins du diable pour créer et propager la fitna, hein, les fitanes. وَتَصْوِيرِ الْخُرُوجِ عَلَى الْوُلَاتِ. Et pour justifier les rébellions contre les dirigeants. Hein? Regardez dans le monde actuellement, là, et vous voyez qu'il y a plein d'endroits dans le monde où les gens commencent à se rebeller et à sortir dans les rues, et ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose. Comme Allah dit dans le Coran, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. Ils pensent qu'ils se tiennent sur quelque chose. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Hein? Je regardais ça en Haïti. À Hong Kong, les manifestations, au Liban, hein? Il y en a un aujourd'hui, je lisais ça dans les nouvelles, il y en a un qui a essayé de se mettre en feu aujourd'hui, de s'immoler encore une fois, hein? Ouais, tu vois, et dans d'autres pays encore, il y en a, Allah al-Musta'an, en Guinée, là, notre frère, il est retourné, justement, le frère... Ibrahim Bari, hein, hafidhahullah, que Allah le préserve de la fitna. En tout cas, franchement, mashallah, donc j'ai hâte d'avoir de ses nouvelles. S'il nous écoute maintenant, là, peut-être, on ne sait jamais, hein, il a l'habitude d'écouter à la radio. Donc, j'espère qu'il va nous appeler pour nous donner son nouveau numéro de téléphone de la Guinée. Hein? Après, le cheikh, il dit, « Wama afda ila mafsadatin » إلى مفسدة وجب سده ولو كان مباحا فكيف إذا كانت الوسيلة محرمة وما تفضي إليه عين المفسدة. Donc il dit, si quelque chose qui est licite amène à une chose qui est mauvaise, il est obligatoire de l'interdire pour empêcher le mal, alors qu'elle est licite à la base. Alors que dire lorsque le moyen qu'on veut employer est haram à la base, hein, et que ça amène à un mal, alors c'est encore plus obligatoire de l'interdire. Hein? Il dit, « وَقَالَ مُحَمَّدْ ibn عَبْدَ اللَّطِيف. Le problème actuellement, beaucoup de musulmans, ils vivent entre, ils vivent entre deux réalités. Ils vivent entre deux mondes. Ils ont un pied dans un système, puis un pied dans l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont musulmans, ils croient en l'islam, ils croient en Coran, ils croient en la sunna. Sauf que dans leur vie de tous les jours, hein, ils sont assujettis à un système qui contredit ce que leur croyance leur enseigne. Alors, ils vivent entre ces deux réalités-là tout le temps en conflit en réalité, tu vois? Et c'est ça qui amène que les gens... Tu vois, quand tu parles, quand tu écoutes certains musulmans, par exemple, qui parlent de qu'est-ce qui se passe dans la politique d'un pays, d'un côté, ils disent on est musulmans, puis d'un côté, ils argumentent avec les arguments du système des démocrates et des koufars. Donc, c'est comme si ils essaient de jongler avec ces deux systèmes-là pour essayer de, yani, essayer d'arriver à un résultat. Et d'un côté, ils veulent plaire aux idées des koufars parce qu'ils pensent que c'est ça qui est moderne, que c'est ça qui est à la mode, c'est ça qu'il faut suivre pour plaire aux gens. Puis d'un côté, ils disent, ouais, mais en même temps, on est musulmans, donc il faut respecter l'islam. Mais ils sont en contradiction avec eux-mêmes en agissant de cette manière-là. Hein? Parce que d'un côté, ils disent une chose, puis de l'autre côté, ça dit le contraire. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est toujours, si tu es un musulman, tu dois mettre la religion au-dessus. Et la foi en Allah et en la religion au-dessus de tout ce qui est en contradiction. Il dit, وقال الشيخ محمد ibn عبد اللطيف والشيخ عبد الله ibn عبد العزيز العنقري رحمهم الله في رسالة لهما إلى الناس إبان فتنة الإخوان ضد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن وعدم الأخذ عنهم وهذا سبب لحرمان العلم النافع ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له فإن هذا من أعظم المعاصي وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا بل كل منهم يستبد برأيه وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره حتى قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته وفي معاهدته لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم لأن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين لا سيما وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصا المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا فلا يجوز لأحد الافتيات عليه ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصا المسلمين وفارق جماعتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله والمراد بالأمير في هذا الحديث من ولاه الله أمر المسلمين وهو الإمام الأعظم انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il mentionne les paroles de deux parmi les ulama de l'époque du roi Abdul Aziz en Arabie Saoudite, c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Latif et le cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz al-Anqari. Et ils ont tous les deux écrit une lettre qui est mentionnée dans Ad-Durar al-Saniya. Et cette lettre, en réalité, elle était écrite à propos d'un groupe qui était apparu à cette époque, c'est-à-dire à l'époque du roi Abdul Aziz, qui était appelé, c'est un groupe qui s'était appelé Al-Ikhwan, ou qu'on appelait Al-Ikhwan. C'est pas Al-Ikhwan al-Muslimin de l'Égypte, c'est d'autres, un autre groupe qu'on appelait Al-Ikhwan en Arabie. Et eux, ils ont été pris avec un excès de zèle, si on veut, et un peu d'extrémisme, hein, au point de vouloir même parfois rejeter ou se rebeller contre le dirigeant. Et c'est ce qui a eu comme conséquence que justement ces deux savants-là ont écrit pour réfuter ce groupe-là et les remettre à l'ordre en leur expliquant que ce qu'ils faisaient n'était pas correct. Et il dit que parmi les choses que le Shaitan avait fait rentrer chez certains religieux, certaines personnes religieuses, le fait qu'ils accusaient les ulama, les musulmans, les ulama des musulmans, les savants des musulmans, les savants de l'islam, d'être complaisants, hein, et de vouloir faire des compromis par rapport à la religion vis-à-vis du dirigeant. Et ils avaient donc des mauvaises suspicions à propos d'eux et ne voulaient pas prendre de ces savants-là. C'est exactement ce qu'on voit de la part des khawarij et des takfiriens à notre époque. Hein? Ils disent, nous, on n'a pas confiance en les grands savants et les ulama de la umma. Parce qu'ils ne disent pas que les dirigeants sont koufars. Et nous, on considère qu'ils sont koufars, donc on ne peut pas prendre des ulama. Donc ça, c'est leur raisonnement et leur façon de comprendre les choses. Et ça, c'est de l'extrémisme. C'est exactement ce qui est arrivé à l'époque d'Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, lorsque les khawarij ont pris les armes contre les sahaba. Ils disaient, nous, on n'a pas confiance en les sahaba. Eux, ils disaient, nous, on n'a pas confiance en les sahaba. Hein? On n'a pas confiance en eux parce qu'ils font ci, puis ils font ça, puis ils font ci, puis ils essayaient de trouver des erreurs chez les sahaba, et des fautes chez les sahaba. Et ils pensaient qu'ils comprenaient mieux le Coran que les sahaba. Hein? Donc ils mentionnaient des preuves comme argument pour justifier leur position vis-à-vis d'Ali. Et quand Abdullah ibn Abbas a débattu avec eux sur ces sujets-là, on a vu clairement que leurs arguments étaient tout à fait futiles. Hein? Qu'ils n'avaient aucun argument en réalité, mais c'est une mauvaise compréhension qu'ils avaient des textes. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Il dit, وَهَدَ سَبَبٌ لِحِرْمَنِ الْعِلْمِ النَّافِعِ. Donc quand quelqu'un ne prend pas des savants et qu'il dit, non, moi, je ne fais pas confiance aux savants, le résultat, c'est quoi? La personne va être privée de science. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de référence. Elle ne peut pas apprendre, puisqu'il n'y a pas de ulama pour le guider. Hein? Et souvent parmi ces takfiris aujourd'hui, tu leur dis, mais c'est qui tes savants, à qui tu retournes quand tu as des questions? Non, non, mais moi je prends juste les savants qui sont morts, je prends juste de ceux qui sont morts déjà dans les livres, hein? Et puis comment tu fais pour comprendre les livres des savants qui sont morts si tu n'as pas de science, hein? Parce que les paroles de ces ulama, comment tu vas les comprendre si tu n'as pas étudié? Et pour étudier, faut que tu retournes aux ulama, hein? Donc c'est ça, c'est un cercle vicieux en réalité. Une fois que tu rentres dans cette mentalité-là, tu es coupé de la science et tu es privé de compréhension de la religion. Et ça, c'est une des ruses du shaitan. Il dit également parmi les ruses du shaitan, comment le shaitan est rentré chez eux, c'est parce qu'ils ont des mauvaises suspicions envers leurs dirigeants et qu'ils refusent de leur obéir. Et ça, c'est parmi les plus grandes désobéissances. Et ça fait partie de la religion pré-islamique, hein, de la jahiliya. Ceux qui ne considéraient pas l'obligation d'écouter et d'obéir aux dirigeants comme faisant partie de la religion. Hein. Et donc, chacun se basait sur sa propre opinion. C'était comme ça dans la jahiliya. Il dit, et les preuves du Coran et de la sunna sont multiples et sont très claires sur le fait qu'il est obligatoire d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Celui qui a l'autorité sur nous et le commandement sur nous, dans la difficulté comme dans la facilité, et dans les choses qui nous déplaisent comme dans les choses qui nous motivent. Et il nous a, et jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit, écoutez et obéissez, même si tes biens sont pris et même si on te frappe le dos. Hein? Et ça, c'est pour dire donc qu'il est obligatoire d'obéir aux dirigeants dans le bien. Hein? Et que s'il te fait une injustice, ça ne doit pas justifier une rébellion ou une révolte, hein, ou le refus de son autorité. Hein. Donc Allah, il va le juger pour l'injustice. Mais ce n'est pas à toi de faire le désordre à cause de ça. Et il est donc interdit de lui désobéir c'est-à-dire, tu n'as pas le droit de lui désobéir, sauf s'il t'ordonne de faire un péché. Hein, ça c'est clair, les ulama ils le disent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça aussi dans les hadiths. Et donc, tu ne dois pas t'objecter au dirigeant dans sa gouvernance et dans sa responsabilité. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu lui donnes la nasiha et ça s'arrête là. Tu lui donnes la nasiha en privé et s'il accepte, tant mieux. S'il n'accepte pas, yani, tu as fait ce qui est obligatoire pour toi. Hein? Et il dit wafi mu'aqadatihi wa mu'ahadatihi. Donc, dans les ententes et les contrats qu'il prend, hein, tu n'as pas à t'objecter dans ces choses-là. S'il décide avec qui il veut faire la paix, avec qui il veut faire la guerre, et quand il veut faire la paix, et quand il veut faire la guerre, ce n'est pas toi qui te mêles de ces affaires-là. Hein? Si tu as une opinion, ou si tu penses qu'il a une opinion qui est pas la meilleure ou pas la bonne, tu lui fais part de ton opinion si tu peux. Et puis ensuite, tu as fait ce qui était obligatoire pour toi. Le reste, c'est Allah qui s'en occupe. Il dit, لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْلِمِينَ. C'est lui le responsable des musulmans. Hein? C'est lui qui gère la question des musulmans et c'est lui qui regarde pour leur bien-être. Et sa vision de leur bien-être est meilleure que leur propre vision pour eux-mêmes. Parce que c'est par lui, par sa gouvernance que les affaires de leur religion peuvent s'organiser et que la parole des musulmans peut être unifiée. Et en particulier que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah vous a donné en même temps un dirigeant dont la gouvernance est basée sur la religion. En parlant du roi Abdulaziz, hein, et il a fait beaucoup d'efforts, hein, et il a fait la sincérité de gérer les affaires des musulmans, en particulier celles des religieux, et il a été bon envers eux, il leur a fait du bien, il a construit des mosquées pour eux, il leur a envoyé des prêcheurs pour pouvoir les éduquer et leur enseigner, et leur rappeler, et il a également fermé les yeux sur leurs fautes et leurs erreurs et leurs ignorances, hein, s'ils ont fait des fautes ou des péchés. Alors il dit, donc la présence d'un tel dirigeant dans la fin des temps, puisqu'on est proche de la fin des temps, comme on dit, eh bien, ça c'est une des plus grandes grâces que Allah a fait à cette péninsule, hein, en parlant de l'Arabie. Et il dit donc, il est obligatoire donc pour les musulmans de cette région d'être reconnaissants envers Allah pour cette grâce et d'essayer de faire en sorte de la préserver en restant fidèle et en défendant, hein, cette grâce-là et en étant sincère envers le dirigeant intérieurement et extérieurement. Et il dit qu'il n'est pas permis donc d'essayer de se mêler des responsabilités du dirigeant ou de vouloir rentrer son nez dans ces affaires-là et de se mêler de ces choses-là, excepté avec sa permission. Parce que celui qui se permet de se mêler des responsabilités du dirigeant de cette façon, eh bien, il est en train de briser l'unité des musulmans et de diviser la jama'a, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Celui qui me désobéit au dirigeant, il m'a désobéi. Et celui qui me désobéit a désobéi à Allah. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le dirigeant ici? C'est bien entendu celui à qui Allah a donné la responsabilité, hein, aux musulmans, des affaires des musulmans. Et c'est le dirigeant général, celui qui est dirigeant dans le pays des musulmans. On va s'arrêter ici pour ce cours aujourd'hui, Inch'Allah. Déjà, je voulais arrêter plus tôt, mais j'ai pensé que ça allait être plus court. Finalement, le temps passe vite, comme on dit. Oui.